Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Madame Isa Dingue, 8 rue Bugeaud, a son miam miam à faire réparer. Le premier attrait d'une femme, n'est-ce pas, c'est d'avoir de jolies dents. Alors, quand on a les moyens d'en avoir, où les ai-je donc mises, vos dents ? Des disputes conjugales, des menaces de duel, des fluxions, un arrachage de dents, à nouveau des disputes et des domestiques qui ne savent pas rester à leur place. Tout un monde. Celui de Georges Feydeau, dans la pièce que nous allons entendre, comme dans toutes ses créations. Le théâtre où l'on s'amuse, première diffusion sur la chaîne parisienne, le 5 novembre 1953. C'est le théâtre où l'on s'amuse. Une production et réalisation de Philippe Soupeau et Jean Chouquet. Présenté aujourd'hui avec le concours de Maurice Birot. Le théâtre où l'on s'amuse. Alors voilà un titre. Eh bien, il répond exactement à ce que nous souhaitons proposer aux auditeurs. Nous désirons que l'auditeur s'installe confortablement dans un bon fauteuil, enfile des pantoufles s'il en a envie, et écoute comme s'il était au théâtre une bonne comédie aussi drôle que possible et bien jouée. Des pièces de théâtre drôles. Vous en connaissez ? Mais beaucoup. Les directeurs et les directrices de théâtre se plaignent, je le sais, de ne pas pouvoir trouver les pièces comiques que réclame le public. Pourquoi ne cherche-t-il pas dans le riche répertoire qui dort dans les bibliothèques ? Ah, c'est facile à dire. Il y a longtemps qu'ils ou qu'elles y ont pensé. Mais que diraient les auteurs vivants ? Nous allons essayer, grâce à la radio, de présenter des pièces comiques de tous les temps et de tous les pays. Et nous montrons aussi des pièces d'auteurs vivants. Promesse, belle promesse. Pour me faire rire, je crois que vous aurez du mal. Vous avez sans doute les lèvres gercées. Mais commençons tout de suite. Je crois que seul Georges Feydeau pouvait avoir l'idée d'écrire une comédie qui ait pour décor cet endroit terrifiant, digne d'un cauchemar qu'hélas nous vivons trop souvent, qu'est le cabinet d'un chirurgien dentiste. C'est dans ce lieu maudit, où les instruments de torture sont les seuls ornements, que vous allez entendre défiler des malheureux qui, nous l'espérons, vous feront rire. D'abord, le meneur de jeu, si l'on peut dire, le dispensateur des tortures et des supplices, le dentiste, qui, à son tour, est lui aussi torturé, mais par sa femme, terriblement, atrocement susceptible. Le dentiste, vous le reconnaîtrez, puisque c'est votre dentiste. Il sera incarné par Pierre Détaille. Je crois que ce comédien n'a jamais suivi les cours de l'école dentaire. Il a réussi pourtant, comme vous allez l'entendre, à être ce personnage que nous craignons tous, mais dont tous, ou presque tous, nous avons tant besoin. Madame Folbraguet, son irascible épouse, a un caractère de chien, pour ne pas dire plus, et pour ne pas employer de gros mots. Mademoiselle Paul-Emmanuel, grâce à son talent, a réussi à transformer son charme en une terrifiante agressivité. Vous allez entendre comment elle traite la charmante Hortense, sa femme de chambre, qui a eu le tort, je le reconnais, de lui dire « je m'en fous ». Hortense, elle, veut être distinguée et y réussit quelquefois. Surtout quand mademoiselle Sophie Desmarais accepte de lui prêter sa présence. Cette comédienne, qui a interprété avec tant de succès les rôles de séduction, a donné à Hortense toute la vitalité qui lui convenait. À côté d'elle, voici la cuisinière, un personnage également redoutable, dont madame Fernande Albany, avec sa grande expérience et son grand talent, a réussi en quelques répliques à tracer la silhouette. Les collaborateurs du dentiste sont aussi ses bourreaux. Son collaborateur, Monsieur Jean, est un témoin gênant et qui, par son rire ou ses sourires, sait irriter le malheureux dentiste. On peut compter sur Maurice Birot pour donner à ce rôle toute la valeur qu'a voulu lui donner l'auteur. Adrien, le valet de chambre, le promis d'Hortense, ne manque pas, en montant sur ses grands chevaux, d'ajouter à la colère de son patron. Jean-Marc Thibault sait, comme toujours, accorder à son rôle un relief saisissant. Et puis enfin les clients, les souffres-douleurs. D'abord Ville d'amour, ils souffrent, et nous rions parce que l'étonnant Roger Pierre sait rendre humaine cette victime. Madame Dingue, elle, ne souffre pas, c'est la seule, parce qu'on ne s'occupe que de son dentier. Mais elle nous fait grincer des dents. C'est mademoiselle Jacqueline Maillan qui, avec son autorité, réussit à être insupportable. Enfin, le pauvre monsieur Lebouc, à qui Jacques Ling prête son sens étonnant de la scène, pour souffrir et nous faire rire. Avant de laisser le rideau se lever, je veux ajouter pour les amateurs de la petite histoire que cette comédie de Feydeau a été représentée à Paris pour la première fois en 1916, alors que le front était encore à quelques dizaines de kilomètres de la capitale.